Chapitre 5e. La scène à laquelle ce traître fait allusion fixe pour moi la date de cette lettre. C'était il y a 6 semaines. Oui, le 8 mai, l'anniversaire de mon mariage. Je l'avais oublié. C'est qu'aussi ce jour-là, j'avais des préoccupations très réelles, très graves. Cette baisse subite compromettait toutes mes opérations et j'avais hâte de me rendre le soir à la petite bourse. Heureusement, le mouvement de recul était enrayé. Qu'ai-je fait ensuite ? Ah, je me souviens. Je suis allé achever ma soirée chez une ancienne amie, et c'est là que pour la première fois j'ai rencontré Sarah Bell. 4 ans de mariage. Être arrivé à cette catastrophe. Je me rappelle encore le jour où j'ai été présenté chez les parents de Gabriel, de cette femme. Ils me semblaient de si braves gens. C'était à la campagne, dans une petite propriété près de Sceaux. J'avais décidé de me marier. La solitude me pesait, et puis encore, en dépit de ma force de caractère, je sentais que je me laissais entraîner sur une pente mauvaise. Je jouais. Je menais à grande guide la vie de garçon. Ne comptant pas, dépensant à doigts ouverts, rebelle à tout travail suivi. Mon notaire, en m'avertissant des périls de ma situation, m'avait parlé mariage. Tout d'abord, je m'étais cabré, ne supportant pas l'idée d'aliéner ma précieuse liberté. Puis je réfléchis, je raisonnais, et j'autorisais les premières démarches. En vérité, cette femme était une délicieuse jeune fille. Son père, ancien magistrat de province, avait la bonhomie aimable et un peu narquoise des traducteurs d'Horace. Veuf depuis 10 ans, il avait confié l'éducation de sa fille à une tante, sœur de sa femme, d'une intelligence véritablement supérieure et qui me conquit tout d'abord. Je me souviens de ce qu'elle me dit dès ma première visite. « Monsieur, je crois que vous pouvez être un bon mari. » Il dépend de vous seul que Gabriel soit la meilleure des femmes. Elle a toutes les délicatesses et aussi toutes les faiblesses d'un enfant. Je me suis efforcé de ne lui donner ni préjugés ni entêtement. Elle est bonne, elle est profondément honnête. Oui, oui, elle a dit cela. Elle aimera jusqu'à l'adoration celle qu'elle choisira. Mais je vous en supplie, ne soyez pas de ces maris qui ne voient en la femme qu'un jouet gracieux, dont on s'amuse d'abord passionnément, puis que l'on délaisse et qu'on oublie. Le mariage n'est pas un acte qui, une fois accompli, est par lui-même vertu pour toute une existence. Pour que deux époux soient véritablement et perpétuellement unis, il faut souvent et soigneusement resserrer les mailles de la chaîne qui les lie l'un à l'autre. Si elle se rouille, elle se casse. Ceci vous regarde. Celui qui saura être toujours avec sa femme ce qu'il fut avec sa fiancée sera le plus heureux des maris. Défiez-vous de l'habitude, c'est elle qui désagrège les bonheurs les plus solides. J'écoutais docilement, souriant un peu à part moi de ces leçons d'expérience conjugale données par une vieille fille. Gabriel a fort peu changé, au physique, depuis cette époque première. Je la vois encore, entrant dans le salon où je venais de causer avec son père. Elle avait 20 ans, de taille moyenne, plutôt un peu petite, elle était admirablement faite, avec une finesse de silhouette qui me frappa. Les cheveux très noirs, simplement coiffés, faisait ressortir la teinte très fraîche de son visage, doucement duveté comme un fruit de printemps. Les yeux, franchement ouverts, avaient une placidité sereine, dont une exquise expression de franchise tempérait la froideur, démentie d'ailleurs par des lèvres hardiment dessinées et d'une jeunesse rouge. 8 jours ne se passèrent pas sans qu'on me considérât comme faisant partie de la famille. Aucun délai n'avait été fixé pour ce qu'on appelle la cour à faire. La tante, à laquelle j'avais plu, s'observait pour ne pas me témoigner d'absurde défiance. Souvent, elle venait avec nous faire de longues promenades à travers la campagne, et le plus souvent, elle marchait devant nous, nous laissant ainsi toute liberté de causer et de nous mieux connaître. Pourquoi le nierais-je, en face de moi-même ? J'eus la conviction d'avoir trouvé en Gabriel la compagne rêvée. Très intelligente, sous des dehors modestes, je comprenais qu'elle était prête à donner tout son amour, toute sa vie, à se confier comme un enfant qui prend la main de sa mère. Elle avait besoin d'appui, elle le savait, elle le disait, se connaissant assez pour apprécier ce qui lui manquait en volonté, en puissance d'initiative. « Promettez-moi d'être toujours mon ami et mon guide, » me disait-elle, « c'est là mon vœu. Du reste, quand on se marie, » ajoutait-elle en souriant, « on est bien sûr de n'être plus jamais seul. » Je l'aimais à la folie, et je me souviens même que parfois je l'effrayais par l'exubérance de mes protestations. J'avais la parole vibrante, exaltée. Ma passion, imbécile que j'étais, s'épandait en tirades romantiques, ou bien au contraire, dans le silence d'une belle soirée d'été, alors que nous étions assis sur un banc, à quelques pas de la fenêtre auprès de laquelle notre Cerbère, bien indulgent, tricotait avec obstination. Je murmurais ces mots exquis, dont la force est surtout faite de délicatesse et de respect charmant. Je voyais, à travers l'ombre, ses grands yeux où s'allumait une lueur, éclairée de reconnaissance et d'espoir, et elle me disait « N'est-ce pas que vous serez toujours ainsi ?» L'année qui suivit notre mariage fut un songe de bonheur. Je crois que je ne la quittais pas d'une heure. J'en avais fait plus que ma femme, mieux qu'une maîtresse, une amie à laquelle je confiais toutes mes pensées, même les plus secrètes. J'admirais la rectitude de son esprit, l'impeccable naïveté de son bon sens qui ne la trompait jamais. Ce qu'elle éprouvait pour moi tenait à la fois de l'amour de l'épouse et de l'affection un peu respectueuse de la sœur cadette. Jamais elle n'agissait, fût-ce dans les conditions les plus simples, sans me consulter, sinon de la voix, tout au moins du regard. Ayant très sincèrement l'intention de reprendre à bref délai les travaux littéraires que j'avais dû écarter provisoirement pour me préoccuper de rétablir ma fortune, un peu ébranlée, je la mettais de moitié dans les études auxquelles je me livrais pour donner à mes conceptions les bases d'une science solide. Elle s'intéressait vivement à ses travaux, et ce n'était pas de sa part complaisance feinte. J'ai toujours aimé expliquer, avant de les traduire sur le papier, les pensées qui hantent mon cerveau. J'ai l'esprit très clair, très logique, et la parole m'aide en grand secours pour élucider, pour moi-même, les questions qui présentent quelques difficultés. En ces circonstances, je lui parlais, et peu à peu, sur sa physionomie intelligente, je voyais une lumière m'avertissant que je m'étais bien compris moi-même, en me faisant bien comprendre. Ce fut là le plus beau temps de ma vie. Et maintenant, tout cela est à jamais perdu. Par son crime à elle, par son ingratitude et sa félonie. Ses souvenirs me tuent, mais je ne veux pas qu'ils m'ôtent ma force. Plus le gouffre dans lequel je tombe est profond, et plus j'ai la haine de ceux qui m'y ont précipité. Voici les autres lettres. Les lirai-je ? À quoi bon ? Ne sais-je pas dès maintenant que tout est brisé, que tout est fini ? Et pourtant je veux. Je veux gravir mon calvaire, pas à pas, jusqu'à la croix, où je clouerai mon cœur. Mais non sans les avoir cloués eux-mêmes, de chaque côté au gibet des infâmes.